mélancolie, mélancolie, petit à petit tu t'introduis dans mon esprit, sans cri, sans bruit, mélancolie, mélancolie, quand tu es là tout semble dire, longue plongée dans une nuit. Je ne sais plus ce qu'il faut faire, je ne sais plus rien de mes demains. Je ne dors plus, c'est la galère. Je ne veux plus voir mes voisins, c'est comme une potion amère. Je n'ai plus de goût à rien. Mélancolie, mélancolie, petit à petit tu t'introduis dans mon esprit, sans cri, sans bruit. Mélancolie, mélancolie, quand tu es là, tout semble gris. Longue plongée dans une nuit. Lâche-moi donc, mélancolie, que je retrouve tous mes moyens, que j'en sorte, que je t'oublie. Disparaissent tous mes chagrins, lâche-moi, petite folie. Tu m'auras tourmenté en vain. Mélancolie, mélancolie, petit à petit tu t'introduis dans mon esprit, sans cri, sans bruit. Mélancolie, mélancolie, quand tu es là, tout semble gris. Longue plongée dans sans relâche, de toutes mes forces jusqu'au bout, pour te bannir à la crache. Tu pourras jouer les filous, tu partiras sans panache, tu ne m'auras pas mis à genoux. Mélancolie, mélancolie, petit à petit tu t'introduis dans esprit, sans cri, sans bruit. Mélancolie, mélancolie, quand tu es là, tout semble dire, longue plongée dans une nuit. Mélancolie, mélancolie, petit à petit tu t'introduis dans mon esprit, sans cri, sans bruit. Mélancolie, mélancolie, quand tu es là, tout semble gris. Longue plongée dans une nuit.